des mots de souffrance qui te blessent à outrance. Tu négliges chaque jour quelques signes d'amour, et par tes absences tu oublies les conséquences. Que reste-t-il derrière ses yeux livides? Que faut-il faire pour s'empêcher de se taire? Que reste-t-il devant ses gestes affligeants? Que faut-il faire? Je ne l'ai jamais su.